derrière à Ekinla. Ekinla vers Crosby, c'est lui. Alors donc 4 à 4 et là l'attaque des Patriots sont comme tir au bouton et le but. Incroyable 4 à 4 Patriots dans la main. Passe de plus, c'est long et c'est capté. Julien Fairley fait jusqu'à la zone des buts. Touché pour le Rouge et Or. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie, l'émission qui, chaque épisode, vous fait un tour de l'actualité sportive d'un peu partout à travers la planète et surtout en Mauricie. Bon matin messieurs. Bon matin. Bon matin Marc-Antoine, bon matin Philippe. Bon matin. Bon matin. Sous cette petite neige ce matin qui rend nos pas... Oui, une petite légère. Oui, une petite légère. Légère, poudreuse. Une timide. Donc, rien pour énerver. Non, facile à déblayer. Du coup de balai. Ouais. Elle est flottante. Oui. Touche pas au grattoir. Non. Touche pas au grattoir. C'est vraiment une journée, touche pas au grattoir. Non, en effet. Non, c'est ça. Parce que les journées touchent au grattoir. Le pire, c'est quand il n'y a pas de neige, mais tu dois toucher au grattoir. Ah, ça, c'est agressant. Ça, c'est agressant. Moi, tu vois. Mais ce matin, une mitaine aurait suffi. Oui, c'est ça, exactement. Fréquemment, ça m'arrive à l'intérieur de ma voiture. Je dois toucher au grattoir à la voiture, c'est bien désagréable. C'est désagréable. Et la courbure du grattoir n'est pas faite pour l'intérieur. Mais oui. Mais on devrait avoir une solution de recharge, c'est-à-dire un grattoir concave qui viendrait épouser la forme intérieure de la vitre. Tout à fait. Alors, tous ceux qui sont en génie, appelle à vous. Écoute, je veux. Et celui qui pourrait vendre ça, c'est vraiment le gars qui vend les slap chops. Oui. Je vois déjà, là. Non, mais. Oui. On s'éloigne déjà un peu. La vie est déjà assez triste. Il faut pas que tu aies de la neige dans ta vitre intérieure. Oui, effectivement. Effectivement. Tout ça en lançant le vieux grattoir dans le lavabo. C'est juste ça que je demande ce matin. Alors, cette semaine? Ah, c'est notre mandat. cette semaine à l'émission, écoutez, on va avoir plusieurs sujets pour vous. Tout d'abord, on va débuter avec les Patriotes de l'UQTR qui disputent un match contre Concordia mercredi et qui en disputent un ce soir contre les Redmen de McGill. On va parler avec Jonathan Bernier de RueFrontenac.com du Canadien de Montréal. Il s'est entraîné avec James Wisniewski. On va pouvoir entendre les commentaires de M. Wisniewski dans la deuxième demi-heure de l'émission. Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice va se joindre à nous. On va parler des Cataractes de Shawinigan qui sont en action ce soir. Et on va parler football, OK? Les séries de la NFL, ça continue cette fin de semaine. On va en causer un mot et on va partir sûrement sur un sujet et discuter jusqu'à temps que... Vous venez de voir ce qu'on est capable de faire avec une neige timide. Donc, imaginez ce qu'on peut faire avec des sujets qu'on connaît bien. Hein? Ça va être intéressant. On va tout de même débuter avec un petit peu de musique. On va aller écouter du 354 Barry avec la chanson « À l'asile ». Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou! Yeah. chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. L'inconduite de partie. C'était 354 Barry avec la chanson À l'asile, comme vous avez pu l'entendre. On y va avec, allons-y présentement tout de suite avec le hockey des Patriotes. Les Patriotes étaient en action, mercredi dernier plutôt. Ils affrontaient les Stingers de Concordia. Ça se déroulait au Ed Meager Arena de Concordia. Du côté de l'UQTR, on devait faire sans plusieurs joueurs. Tout d'abord, on devait faire sans la présence d'Alexandre Demers, le capitaine de l'équipe, qui malheureusement est terminé pour d'ici la fin de la saison. On va voir du côté des séries. On sait que Demers a subi une blessure au genou lors des séries l'an dernier. C'est tout de même a tout de même participé à tous les matchs de l'équipe. Cet été, s'est fait opérer. On parlait d'une réhabilitation de 6 mois. 4 à 6 mois, a complété son 6 mois. Il est revenu au jeu et malheureusement, sa réhabilitation et son retour au jeu n'a pas été un succès. Il n'y avait pas encore assez de force à travers son genou. Donc, c'est ce qui explique le pourquoi il est maintenant hors de l'alignement pour un petit bout, pour au moins un mois. Du côté d'Emmanuel Boudreau, le défenseur, lui aussi, sa saison, ça regarde très mal. Blessure à l'épaule, on parle de ligament de l'épaule, va être absent un petit bout. On va parler aussi de Steve Bellefleur, d'Alcott Bellefleur. C'est une commotion cérébrale, qui fait qu'il sera absent. Probablement que pour Bellefleur, ses carrières est terminée. Il en était à sa dernière année avec les Patriotes. Donc, carrière terminée pour lui, malheureusement. Donc, on débute la rencontre. Et Luc Thier a quand même joué une partie correcte. J'ai trouvé qu'il y avait certaines passes qui auraient pu être beaucoup, beaucoup plus précises. Là. J'avais l'impression d'être dans une ligue de garage à quelques reprises. Mais bon, du côté des Patriotes, on s'est incliné en prolongation 4-3 face aux Stingers. Tout de même, l'UQTR a joué un match beaucoup mieux que les Stingers, mais tout tournait en faveur des Montréalais. Le sommaire dans cette rencontre, tout d'abord, pas de but en première période. Lors de la deuxième période, c'est François Langteau-Marcotte qui fait son deuxième de la saison. Et tout de suite, on s'est échangé des buts du côté des deux équipes. C'est Breton qui réplique son 10e de la saison. Michael Stenziani, nouvelle arrivée du côté des Stingers, qui a connu tout un match, qui vient faire son 3e de la saison. En 3e période, donc c'est 2-1. Guillaume Chicoine, le défenseur grâce à un tir puissant, vient faire son 9e de la saison. Bonne saison pour Chicoine, honnêtement. 9 buts pour un défenseur, ça va très bien du côté de Guillaume Chicoine. Il totalise au total 11 buts cette saison, donc 9 buts, 2 passes pour un défenseur. Je pense que c'est des chiffres qui sont très appréciables. Michael Stenziani, encore lui, vient remettre la marque 3-2 du côté des Stingers. Un but faible de la part de Jean-Christophe Blanchard, plutôt. Un but qui aurait tout simplement pas dû entrer, qui est passé entre les jambières du côté de Blanchard, qui, depuis quelques matchs, connaît beaucoup de difficultés. Je l'avais dit même pour ce match-là, j'aurais aimé ça voir Vincent Lamontagne dans les filets, j'aurais aimé ça voir ce qu'il est capable de donner. J'aurais même mis Lamontagne contre Ottawa et je l'aurais mis contre Concordia. Peut-être question d'envoyer un message à Jean-Christophe Blanchard. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est peut-être ce qui n'a pas aidé. Donc, il reste moins d'une minute au match. On retire notre gardien du côté des Patriotes. Il y a une pénalité à Olivier Janard du côté des Stingers. Et c'est Jean-Sébastien Breton qui vient égaler la marque alors qu'il restait 40 secondes au match. C'est un but à l'avantage numérique. Et donc, on s'en va en prolongation. Et malheureusement, en prolongation, Breton... donne un coup de bâton sur le bâton d'un joueur des Stingers. Et le bâton se fracasse, ce qui est automatiquement une pénalité selon les règles de l'art de l'arbitrage. Parce que si le bâton s'était pas fracassé, l'arbitre n'aurait pas appelé une pénalité à non, ce moment-là. Non, probablement pas. Surtout en prolongation, c'est pas le genre de pénalité qu'on appelle en prolongation non, du côté des officiels. On parle pas d'un coup de bâton non plus, là. C'était assez fort pour casser un bâton, mais quand même, c'était pas un coup de hache. C'est ça qu'on devrait dire. C'était pas un coup de hache du côté de Breton. Et il se dirige vers le banc de punition et c'est Jesse Goodsell, le défenseur, qui a compté dans une cage ouverte à 4 contre 3. On le sait, c'est pas facile, hein, ça va rapidement. Donc, qui en profite et donne la victoire aux Stingers de Concordia. Donc, deuxième défaite de suite du côté des Patriots. On n'avait pas connu ça depuis le début de la saison où est-ce qu'on en avait échappé 2 contre McGill par des pointages de 6-2 et 6-3. C'est ce qui résume le match au niveau du classement. On va aller écouter les commentaires de Jacques Laporte suite à ce match qui, dans le fond, j'ai demandé si c'était une défaite qui était difficile à accepter pour l'équipe. Ça fait mal, mais je dirais que c'est un des gros points pareil de la saison qu'on va avoir. Il était important. Je souhaitais qu'on puisse aimer ça en avancer deux, mais en avancer un dans les circonstances, c'est quand même bon. T'sais. On n'a pas abandonné, on n'a pas lâché, on n'a pas. Écoute, des buts chanceux aussi. Je veux dire, écoute, puis c'est pas une mauvaise équipe. Quand on joue contre eux autres, on a perdu chaque année ici. Là, on a joué un gun, on a perdu. Mais il reste que l'an passé, les playoffs, on l'a perdu aussi ici. T'sais, c'est une équipe qui compte nous autres. À tour, le facteur chance son bord, là, toujours le facteur. Il y a tout, c'est tout roule pour eux autres. Puis nous autres, on dirait qu'il y a des fois qu'on a perdu des matchs ici parce qu'on travaillait mal, on travaillait pas. Là, on a juste... ils ont juste été meilleurs que nous autres. Il y a eu plus de finition. On les a overshootés, on les a vatigardes. On a eu des occasions de marquer, sont deux fois plus fréquentes, etc. Mais il n'y a rien qui a fonctionné. Exactement, il n'y a rien qui a fonctionné du côté des Patriotes. Et c'est ce qui fait qu'on sort avec seulement un point du côté des Trifluviens. C'est ce qui conclut pour le match face à Concordia plutôt. Hey, mais par contre, non, petit mot que je vais glisser rapidement. Oléoduc. Non, Bachibouzouk. Ah, quand oui, même. Bachibouzouk. Moins original. Non, ben oui, plus original. Ben non, tout le monde a déjà entendu Bachibouzouk, c'est Tintin. C'est ben Tinadog. Oui. Oléoduc, on est dans le monde des gaz de schiste, là, puis des pipelines, puis des choses comme ça, là. On s'entendra pas maintenant. Donc, je voulais vous parler du complexe de Concordia. Le Edmiger Arena, c'était la première fois que je visitais l'arena. Beau petit aréna pour une équipe universitaire. Il peut rentrer, je dirais, environ il peut rentrer 1000 personnes, 1200 personnes environ du côté du Edmiger Arena. Et j'ai vu une différence flagrante entre la foule là et la foule qu'on retrouve aux Patriotes, c'est-à-dire le nombre d'étudiants. Je dirais que dans la foule, c'était dans les spectateurs, c'était à 75% composé d'étudiants assis ensemble, ça fait une ambiance, tout ça. Est-ce qu'on est sur le campus? On est sur le campus. Ah, mais ça, ça aide. Il y a deux campus du côté de Montréal, par contre. Il y a le campus Loyola et il y a un autre campus qui est plus vers le centre-ville. Mais oui, on est en partie. C'est qu'on, aussi, c'est là qu'on retrouve le terrain de football. On retrouve le Stinger Dome, qui est un terrain de soccer qu'on a recouvert d'un gigantesque dôme l'hiver. Je sais pas l'été s'il est là, mais l'hiver, où est-ce qu'on joue des matchs de soccer. Les équipes de soccer des Stingers vont y jouer d'ailleurs. Et donc, beaucoup, beaucoup d'étudiants. Alors que je compare avec Trois-Rivières, où est-ce qu'on retrouve beaucoup d'adultes, et je dirais d'hommes de plus de 40 ans qui sont des fervents amateurs des Patriotes, mais qui, et malheureusement, il n'y a pas de relève. Par contre, mercredi prochain, lors des activités du carnaval étudiant ici, vas-y. Il y a un match opposant les Patriotes. Non, justement, ça a été annulé. Finalement? Il n'y a pas de match. C'est pour ça que je te faisais un nom de la tête. En tout cas, aux dernières nouvelles, on ne m'a pas confirmé qu'il y aurait de partie en temps. Je sais que c'était un projet, je crois, des Patriotes et d'anciens Patriotes, mais ça ne semble pas s'être réalisé de ce côté. J'irai aux sources ce soir juste pour vérifier ce qui se passe. Donc, le classement du côté des sports universitaires de l'Ontario. McGill toujours premier, on s'inquiète pas avec eux autres, donnez-leur le championnat tout de suite. Les Patriots sont en deuxième position avec 29 points, 2 points d'avance sur Nipissing, qui a toutefois un match de plus disputé que les Patriots. Carleton vient au troisième rang avec 26 points, Concordia sont en cinquième position et Ottawa à égalité avec Concordia en sixième. Du côté de la division Ouest, Western toujours premier, suivi de Laurier, Lakehead et Waterloo. Donc, pour ce soir, le match, c'est à 19h30 du côté du McConnell Arena. Bonne nouvelle du côté des Patriotes. Francis Véropol ne sera pas de la rencontre pour les Redmen. Toujours ennuyé par une blessure à la cheville. Toutefois, il y a beaucoup de joueurs à surveiller du côté des Redmen. On peut penser à Alexandre Picard-Hooper ou Marc-André Dorion qui sont d'excellents joueurs. Maxime Langelier-Parent dans son rôle de écoutez, j'ai juste le terme attaquant des deux côtés là, attaquant peut-être m'aider. J'ai juste le terme anglais qui est two-way forward là, mais un joueur qui excelle dans les deux côtés de la patinoire, genre de Thomas Plekanec, et qui est excellent. Et ça sera pas un défi facile du côté des Patriotes. Honnêtement, si j'avais à faire une prédiction, ça devrait aller aisément du côté des Redmen, qui sont non seulement supérieurs cette année, mais qui qui profitent d'un du fait qu'ils vont être à domicile, qu'ils vont avoir plus de monde et qu'ils vont pouvoir profiter d'un Jean-Christophe Blanchard qui est très chancelant. Ça m'étonnerait que contre les Redmen, on envoie Vincent Lamontagne devant le filet. Donc j'ai demandé à l'entraîneur Jacques Laporte j'ai demandé la question suivante à propos du match de ce soir. Ça va être quoi le plan de match contre McGill vendredi? C'est Monac. Ben, c'est drôle parce que ces matchs-là, c'est souvent dans ces matchs-là que tu te surpasses, puis faut que tu sais que le maximum à offrir, faut que tu le mettes là. Et il faut être parfait, impeccable au niveau de la défensive, c'est sûr. Il faut au niveau offensif pas chercher à créer des choses extraordinaires, faire des choses simples qui vont nous emmener à des résultats. On est capable de compter des buts contre eux autres. L'important, c'est de s'assurer que eux autres, la grosse machine, ne sera pas là. Puis Véropol, c'est pas de l'alignement non plus. Ouais. Ça change la donne aussi, même si ce soir, ils ont gagné, mais difficilement. Donc, il parlait justement du match contre les Ravens de Carlton, où est-ce que les Redmen ont emporté 4-2 avec un but en filet désert. Donc, c'était très chaud entre eux et Carlton. Je vous parlais de blessures tantôt, je vous parlais de tous les joueurs qui sont présentement absents du côté des Patriotes. Après le dernier match, je me suis entretenu avec Alexandre Demers, capitaine, co-capitaine des Patriotes. Demers, écoutez, là, je voyais le désir de jouer dans son visage et la douleur qu'il a de ne pas pouvoir aider les gars sur la glace. Très difficile là, pour lui présentement de regarder ça des estrades. On va aller écouter ce qu'il avait à dire à propos de la situation dans laquelle il est. Saison, en tout cas, saison terminée. On va espérer pour les playoffs. Comment tu prends ça, Alexandre? C'est clair que c'est tough là. C'était pas ce qui était prévu au début de la saison. Ma rehab, ça a été un peu plus long. Je suis allé voir un spécialiste justement cette semaine, donc il a usé de ses contacts. Puis je suis allé à Montréal voir un spécialiste. Puis il m'a dit que ce genre de blessure-là peut prendre jusqu'à un an. Donc je me garde le mois là, de la saison pour essayer de me reconstruire la musculature autour de mon genou. Puis on verra pour les séries après. Mais présentement, c'est sûr que surtout voir les gars travailler comme un soir, puis les plantes dans les estrades. Difficile. Ouais, vraiment, écoute, tu peux rien faire. Surtout que tu sais. Je pensais que j'étais correct. T'sais, j'ai commencé peut-être un peu tôt, mais puis surtout, je m'étais gardé tout le mois de décembre, tout le temps des fêtes off pour vraiment me reposer. Puis ça a été le contraire, ça a été pire quand je suis revenu. Donc c'est pour ça qu'on est allé voir un spécialiste. Puis il nous a donné leur juste. Puis là, je sais vraiment à quoi m'attendre, quoi faut que je fasse. Puis pour être en mesure de peut-être revenir pour une série, mais c'est de revenir vraiment en forme l'année prochaine. C'est ça qui compte. Donc Alexandre Demers qui vraiment il prend mal et il semble avoir de la misère à accepter sa blessure. C'est comprenable. On va passer au top 10 hockey masculin 2010-2011 qui est sorti ce mardi. Les Patriots étaient en 10e position jusqu'à tout récemment, mais suite à leur défaite contre les Stingers de Concordia, ont été éjectés du classement, disons-le comme ça. C'est l'Université du Nouveau-Brunswick qui a toujours la première place, suivi des Redmen de McGill et des Pandas, non pas des Pandas, des Golden Bears d'Alberta, les Pandas, l'équipe féminine. On va parler soccer rapidement du côté des Patriots. Les hommes débutent en quelque sorte leur saison ce dimanche contre l'UQAM. Donc, c'est qu'ils ont affronté l'Académie de l'Impact, le match de la saison, la fin de semaine dernière, plutôt dimanche dernier. Donc, c'est un match d'exhibition, ce qui fait que c'est pourquoi je dis que leur saison va commencer bientôt. Du côté des filles, eux aussi vont jouer contre l'UQAM. Ça va être à 14h, c'est en direct du centre Alphonse Desjardins. Les hommes, eux, leur match, c'est à 16h, toujours en direct du centre Alphonse Desjardins de Trois-Rivières. Déplacez-vous, c'est un magnifique endroit, ça vaut la peine d'aller voir ça. Ça va une pause au retour. On s'entretient avec Jonathan Bernier de ruefrontenac.com. Il va nous parler du Canadien, on va avoir une bonne petite discussion. On va peut-être toucher au match des étoiles aussi, savoir qui on prendrait et est-ce qu'on devrait mettre les bâtons dans le centre. Ça pourrait être drôle, ça. Vous êtes à l'écoute de l'inconduitedeparti.com. Si vous voulez nous rejoindre en studio, c'est le live à commercial inconduitedeparti.com et le site web www.inconduitedeparti.com. À l'UQTR, c'est plus dans vos oreilles. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedeparti.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. À la boxe, Benoît Fleury a franchi avec succès la première étape pour conserver sa place sur l'équipe nationale en remportant une victoire convaincante de 13-3 contre le champion Jonathan Quinnit hier au box-off de Saint-Hyacinthe. Au golf, Dave Love III a été nommé capitaine de l'équipe américaine lors du tournoi de la Coupe Ryder. Love, âgé de 46 ans, a pris part à 6 épreuves de cette coupe. Une seule rencontre était disputée hier dans la LHGMQ, c'est avec une victoire de 4-2 contre les Titans de l'Acadie Batteuse contre les Roquettes de l'Île-du-Prince-Édouard que le jeune gardien québécois Olivier Roy encaisse son 111e gain dans sa carrière junior. Dans la Ligue nord-américaine de hockey, le Caron Aiguille de Trois-Rivières a subi la défaite devant le Saint-François de Sherbrooke 5-4 hier soir. Trois-Rivières a ainsi mis fin à une séquence de 4 victoires de suite. Dans la LNH, Martin Brodeur a connu une soirée parfaite contre les Penguins de Pittsburgh. Il a aidé l'équipe à signer une victoire de 2-0 hier à New Jersey. Du côté de Philadelphie, les Sénateurs ont eu une dure soirée hier alors qu'ils affrontaient les Flyers. La partie s'est soldée par un pointage de 6-2. Philadelphie est au premier rang de l'Est avec 31 victoires. Dur coup du côté de Colorado alors que l'Avalanche devra se passer de Thomas Fleischmann pour le reste de la saison. L'attaquant devra être traité contre une embolie pulmonaire. Les Red Wings de Détroit ont accordé un contrat au gardien russe Evgeny Nabokov. Il devra toutefois passer par le ballottage avant de porter l'uniforme rouge. Le Canadien affronte ce soir les Sénateurs à Ottawa avec plusieurs joueurs sur la liste des blessés, dont Camilleri qui est blessé au haut du corps. Montréal a rappelé Ryan White et Andreas Envisk d'Hamilton. White a récolté 2 buts et 8 passes en 28 rencontres alors que Envisk a 6 buts et 8 passes en 38 parties avec les Bulldogs. Benoît Pouliot sera pour sa part de l'alignement et la présence de Pacioretty reste toujours à déterminer. Et finalement, au hockey universitaire, les Patriots affrontent ce soir les Redmans de McGill. La rencontre débutera vers 19h30. La partie sera web diffusée sur cifou.ca et lesconduitesdeparti.com. Vous pourrez entendre les commentaires d'avant-match à partir de 19h25 avec vos hôtes Nicolas Ducharme et Philippe Doucet. Voilà, c'était vos informations sportives de lesconduitesdeparti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Sur les ondes de and spitfire, I saw you walking back and forth about another boy, thinking that you may want to leave. So give me the fevers that just won't quit, and give me the children you don't want to raise, and tell me about the cool he sings you in your songs. If it's better than my love, then bring it on and take it back streets where you know you used to be, for the Romeos of town. If I bring you down, and you're tired of those vows, and you're really walking out, then give me the fevers that just won't break, and give me the children you don't want to raise, and tell me about the cool he sings you in your songs. It's better than my love. Baby, bring it on. Oh, bring it on. Stop clicking your red heels and wishing for home. I'm hearing that he tells you we can read your bones. Is he better than my love? Is he better than my love? So two things you've been feeling that he says he'll never know, and you say the night just got too cold. Well, everybody's cold. Who's gonna keep my baby warm? Who's gonna keep my baby warm when everybody goes? So give me the fevers that just won't break, and give me the children you don't wanna raise, and tell me about the cool he sings you in your songs. If it's better than my love, well then wait a minute, wait a minute. Wait a minute, wait a minute. Et c'était The Gaslight Anthem avec la chanson Bring It On. Et bon, ben, ce soir, les messieurs, le Canadien affronte les Sénateurs d'Ottawa. Quel genre d'équipe vous pensez que... Comment vous trouvez la saison des Sénateurs jusqu'à présent? C'est pas très reluisant du côté d'Ottawa. On a essayé peut-être là, justement d'espérer un réveil du côté de Spezza. On a espéré qu'Alfredson n'était pas fini. On a espéré que Kovalev nous donnerait une bonne année parce que c'est sa fin de contrat. On a espéré que Leclerc se blesse pas. On a espéré que Clouston fasse la job derrière le banc. Finalement, on a tout espéré ça pour rien. Puis il se passe absolument rien à Ottawa. C'est très difficile. Ils vont peut-être tenter de revenir fort ce soir. Par contre, là, ils ont subi une défaite cuisante hier, 6-2. D'habitude, après une défaite de ce genre-là, le coach parle un peu fort à ses joueurs et les joueurs reviennent avec peut-être une intensité différente. Oui, mais quand même, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, tu perds 6-2 contre Philadelphie. C'est un match qui a été robuste, un match qui ouais. a fait mal. Deuxième match en deux soirs aussi. C'est pas des gars qui vont... là, je me ferai pas aimer mais par certains, mais Ottawa, c'est pas une équipe de joueurs qui va à la guerre vraiment. C'est pas une équipe qui est insurmontable. Selon moi, si le Canadien prend l'avance rapidement dans le match, à moins qu'on fasse comme contre les Flames puis qu'on les laisse revenir derrière, il n'y aurait pas de danger. Bon, c'est sûr que c'est la même chose du côté du Canadien. Si Ottawa prend les devants dans le match, ben là, c'est toujours un peu plus compliqué du côté du Canadien. On a été capable quand même de remonter là, à quelques reprises. Mais bon, espérons. Le Canadien n'est pas l'équipe non plus qui est le plus en santé, là. Même si les joueurs se font vieux du côté d'Ottawa, Canadiens avec plusieurs joueurs sur la liste des blessés, ça va être quand même difficile pour eux. Je sais que, par contre, ils ont rappelé Ryan White, Benoît Pouliot qui est de retour aussi. Ouais, Andreas Enquist aussi qui a été rappelé récemment par le club école, par le Canadien du club école, donc on ne sait pas s'il va être dans l'alignement ce soir. Ça va être intéressant de les voir jouer. Moi, je les ferai jouer parce que justement, contre Ottawa, c'est peut-être une bonne occasion là, de leur donner un bon match là, qui pourrait leur permettre pour venir se prouver un petit peu puis montrer ce qu'ils sont capables de faire. Exactement. Pour nous parler de ce match et du monde des Canadiens de Montréal au complet, on accueille Jonathan Bernier de RueFournac.com. Ça va bien, Jonathan? Ça va bien, vous autres? Ben, ça va toujours bien. Super. Écoute, Jonathan, premièrement, comment tu vois ça, le match de ce soir du côté des Sénateurs qui, mes collègues en parlaient depuis tantôt, mais qui ça va dans le mauvais sens là, du côté des Sénateurs? Là. Ça va dans le mauvais sens, en fait, depuis pas mal le début de la saison. C'était une petite période là, où ça a bien été, là, je pense, aux alentours du mois de novembre. D'après moi, le Canadien devrait gagner ce match-là. En tout cas, il ne peut pas se permettre de l'échapper, d'autant plus que les Sénateurs ont livré un match assez physique là, hier contre les Flyers. Il y a eu plusieurs bagarres, donc on s'en doute laisser beaucoup d'énergie là. Donc, le Canadien doit remporter le match là, malgré les blessures dont ils sont victimes récemment. Jonathan, tu voulais nous parler un peu ce matin. Premièrement, écoute, on joue deux matchs en deux soirs du côté du Canadien. Samedi contre Sakoukaïvou et le retour de Sakoukaïvou. Quel accueil penses-tu que les fans vont donner à l'ancien capitaine? Ben écoute, moi j'allais te poser la question parce que je sais que tu vas être là. Oui, je vais être présent au match. J'ai gâté ma blonde durant le temps des fêtes, donc on s'en va aux Canadiens. Donc, sachant que tu y allais, je m'étais préparé la question suivante justement. Vas-y. De quelle façon tu vas accueillir Sakoukaïvou? Ben écoute, moi Sakoukaïvou, ça a tout à été mon joueur préféré. Phil, il s'étouffe avec sa bouteille. Ça a été mon joueur préféré pour son implication, autant sur la glace qu'en dehors de la glace, pour le fait que jamais il a donné une demi-présence sur le match. Donc moi, je vais être debout en train d'applaudir, mais je pense que je suis biaisé un petit peu à travers tout ça du fait que j'ai déjà un parti pris et du fait que je considère Kaïvou comme quelqu'un qui a jamais reçu à Montréal le respect qu'il aurait dû recevoir et qu'il aurait reçu ailleurs en tant que capitaine. Juste le fait que quand on s'est séparé, quand séparation il y a eu du côté des deux dans le fond, ça s'est fait à la sauvette là, quasiment comme si on l'aurait dit sur le mur Facebook, écoute on se sépare là, tout simplement, ça a été fait à la sauvette et je trouve ça dommage qu'un capitaine comme ça ait jamais eu droit à un dernier tour de piste dans la ville qui a joué, écoute, il va jouer quoi, 12 ans environ à Montréal? Ouais. 12-13 ans, en fait. Il était 11 ans capitaine, donc... Ouais, moi, je crois qu'il mérite amplement l'ovation qu'il va recevoir. Mais dès que le match est commencé, ça va être terminé, puis ça va revenir comme avec tous les autres joueurs, en fait. Chaque fois qu'il va toucher à la rondelle, on va entendre les huées. Je crois que c'est de bonne guerre. Non, j'espère que non. Puis à la fin de sa carrière, ben, il va revenir, puis on va l'accueillir encore. Donc, j'espère que non, honnêtement, parce que. Ça va être comme ça. Les huées au Centre Bell me dégoûtent très souvent, mais là, particulièrement dans ce cas-ci, ça serait la pierre qui a demandé un échange, peut-être. Mais cueillez-vous. C'est pas lui là, qui a demandé de s'en aller. Là. Puis s'il y a quelqu'un qui a donné, il y avait un excellent texte. Écoute, je parle de votre concurrent, là, mais dans la presse de mercredi sur l'héritage que Koivu a laissé ici, autant sur la glace que dans les hôpitaux où est-ce qu'il a été chercher une machine qui vaut plusieurs millions, qui s'est impliqué au niveau de la communauté. Et tu sais, c'est le genre de choses qu'on parlait pas beaucoup et malheureusement, on aurait peut-être plus dû en parler durant le temps qu'il était ici. Ben d'ailleurs, à ce sujet-là, je pense, tu sais, tu parlais que Yvou n'a jamais laissé, jamais présenté à moitié là, pour un match. Je trouve que tu as tout à fait raison. Mais je pense cependant que Yvou va être reconnu surtout pour son passage à Montréal, pour son implication hors glace, à commencer par son combat contre le cancer, là, qui a donné espoir à plusieurs jeunes atteints de la même maladie. Puis de ça a découlé justement son don à l'hôpital Sainte-Justine ou à l'hôpital de Montréal pour enfants, je ne me souviens plus, là, pour l'espèce de machine. Justement. C'était à l'hôpital général de Montréal. L'hôpital général de Montréal. Donc c'est vraiment tout le monde qui a bénéficié, pas juste les enfants. C'est ça. Fait que donc, son implication dans la communauté, je crois qu'il va être célébré plus que ce que son apport sur la glace. Oui, il était capitaine du Canadien pendant 10 ans. Cependant, je considère pas que c'était une grosse époque. Là. C'était non, époque c'est sûr. Au cours de laquelle ils ont été exclus à trois fois de suite des séries. C'est la pire génération du Canadien. C'est la pire génération du Canadien. Puis en même temps, tu sais, oui, la séparation s'est faite à la sauvette, je peux dire, mais ça fait quand même quelques années là, qu'on se demandait quand est-ce que cette séparation-là allait survenir. Puis on s'y attendait en quelque part, là, qu'à un moment donné, ça finirait, puis que ça l'achevait aussi, parce que, bon, là, dans le temps de Craig Rivet aussi, là, on parlait de différentes cliques qui s'étaient formées, puis c'est que Koivu était un peu à la tête de l'une d'entre elles. Puis c'était le temps, là, tu sais, à un moment donné, quand les gens deviennent un peu, quand ils font partie des meubles, ou ils sentent un peu, comment je dirais ça, donc immunisés, ils sont plus à l'aise de faire à leur tête. Des fois, bon, ça a une influence négative sur les plus jeunes. Donc, c'était le temps, à ce moment-là, qu'il y ait un changement de garde. C'est arrivé à point. Ceci dit, oui, le passage de Sekou Koivu va être, ce que j'espère qu'il va être applaudi demain. Et souvent, les huées viennent d'une seule partie de la foule, cette partie de la foule-là qui entraîne les autres. Alors, il s'agira à ce moment-là pour le reste des 20 000 spectateurs d'applaudir plus fort. On dit souvent qu'une foule prend le quotient intellectuel de la personne la plus stupide dedans. Là. Souvent, ça vient d'une section rouge, là, en haut. Là. Pas dans les bancs rouges, là, mais entouré de rouge, où est-ce que l'alcool coule à flot très souvent et les poupounes sont là pour faire crier un peu. Donc, ça semble émoustiller certains qui se laissent aller à travers les cris pour des choses souvent qui sont pas nécessaires. Là, Et ça prouve que même si la bière est à 9$, ils en prennent pareil. ils arrivent déjà à maganer avec la bière à 4$ qu'ils ont bu chez eux. Oui, effectivement. Mais quand même, du côté de Koivu, on parlait que oui, il était capitaine durant pas une grande période, sauf que Koivu a été longtemps tout seul à travers ça. Il était le seul joueur de talent de l'équipe. Je veux dire, il affrontait, c'est pas avec Danius Zubrus, pas avec Petrov ou Brian Savage à tes côtés que tu réussis une saison de 100 points. Ben, je comprends. C'est sûr, là, il n'a pas été appuyé vraiment. Mais ça, c'est quand on parle du début des années 2000. Mais si on regarde à la fin des années 90, avant qu'il soit capitaine et pendant les premières saisons, même en fait avant, parce que je voulais te parler de Pierre Turgeon et Vincent Danfou, il y avait quand même du potentiel. À ce moment-là, je trouve que son rôle était un peu plus justifié, si on veut. Là, il évoluait au poste de deuxième centre, ce qui lui convenait pas mal mieux, selon moi. Et puis, je pense aussi que bon, le fait qu'il ait été mal entouré, je veux pas jeter de pierre à personne, mais j'ai l'impression aussi qu'il est un petit peu prima donna, dans le sens où il n'aurait pas accepté de perdre son poste de premier centre là, rendu dans les années justement 2004-2005, là, après le lockout. Je pense qu'il voulait vraiment à ce poste-là, puis il se pensait peut-être un petit peu au-dessus de ses affaires, comme je disais tantôt, donc ça a peut-être joué un peu là, dans le développement de l'équipe. ce qui a pas aidé non plus auprès des fans, puis de la façon dont il a été reçu, c'est ses superbes performances avec l'équipe de Finlande, puis revenait contre le Canadien, puis on le voyait plus. Sauf que avec qu'il était peut-être un peu plus entouré, mais ça reste que il y a eu des bons alliés quand même là à certains moments avec cette Koivu. Je veux dire, en tout cas, c'est Mark Rickey, entre autres. Oui, Mark Rickey en début de carrière. Par contre, on se souvient qu'à l'époque, il s'était quand même. Il venait d'une grave blessure au genou. Koivu était premier marqueur de la Ligue le soir où il s'est fait défoncer le genou contre les Blackhawks de Chicago. Blackhawks, ouais. Donc, tu sais, c'est. Michael Ryder. On le saura jamais. Michael Ryder, Chris Higgins, ça aurait pu être un bon duo. Je veux dire, c'est quand même pas des pieds de nez. Là. Bon, c'est mais pas, regarde, ils sont où maintenant? Ah, mais oui, mais Ryder, il va quand même relativement bien. Je veux dire, sur c'est un pas. Le troisième trio. Ah, oui, je sais bien. C'est pas le festival du, mais bon. Tu riais de lui la semaine passée dans l'émission. Tanguay. C'est lundi dans l'émission. Tanguay cette année. Tanguay, peut-être la seule chose. Ah, mais Ryder, ça aurait été peut-être mieux sa carrière si à l'extérieur de la patinoire, il avait été un peu plus raisonnable. Ouais, ouais, aussi. C'est, ça, c'était le problème à Chris Higgins aussi, semble-t-il. Aussi. C'est le même genre. C'est exactement le même principe. Mais ça, là, c'est un problème récurrent depuis Chris Chalios. C'est comme ça depuis. Pourquoi on fait rien? Je veux dire, Sidney Crosby a vécu 4 ans chez Mario Lemieux. On n'est pas capable de. Ouais, mais je pense. Un petit quelque chose. Je pense que Geoff Molson est intéressé. Parce qu'on regarde du côté, oui, c'est Sidney Crosby, Mario Lemieux, c'est un exemple. C'est souvent l'exemple qui revient, mais je pense que le phénomène à Montréal n'est pas unique. Là. Premièrement, Montréal, c'est une ville faite pour ça, là, pour un peu les excès. C'est pas Winnipeg, non, on s'entend. Mis à part ça, ce que je veux dire, c'est que tu sais, faut pas oublier que c'est des joueurs de hockey, c'est comme n'importe quel être humain, là, quelque part. Là, même pays. Quand, je me souviens, à 20-21 ans, là, on disait qu'on vivait au-dessus sûrement, là, j'aimais ça, aller passer des soirées dans un bar, puis abuser un peu. Bon, ben, c'est professionnel, mais ça reste des êtres humains, là, au fond. Mais par contre, il y a un travail à faire, puis moi, je n'irais pas en virer une cuite avant de travailler le lendemain matin. Non, mais ça, c'est sûr, là. Ils ont quand même été choisis, tu sais. Je l'ai fait, moi. Ouais. À plusieurs reprises. C'est quand même des joueurs de talent, sont là. C'est une chance d'être là. Ils doivent faire en sorte de rester là. Souvent, ce qui arrive aussi, c'est un peu dans la mentalité. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, tu sais, les joueurs qui ont pas un talent inné, je dirais, qui doivent bûcher pour gravir les échelons, souvent, ils vont bûcher plus que les joueurs qui ont un simple qui se fient en fait à leur talent parce que justement ils sont tellement supérieurs aux autres qu'ils se disent bon ben je peux lever le pied un peu souvent c'est sûr qu'on voit souvent les vedettes être plus comment je dirais ça vivre plus d'écarts de conduite que les joueurs de soutien finalement. Et à Montréal, c'est encore pire pour les joueurs francophones. J'en parlais récemment sur le blog de l'inconduite de parti.com. À Montréal, en plus, un joueur francophone, et je parlais du cas de Maxime Lapierre, où est-ce que, à toutes les fois où Maxime Lapierre sort dans un bar, se fait dire par tous les gars, « Hey, t'es le meilleur », se fait dire par toutes les popounes, « Ah, t'es le plus beau », et messieurs les médias, je vous reproche rien, mais se fait et une des personnes qui est le plus souvent en entrevue parce qu'il parle français, malheureusement, des joueurs francophones dans le vestiaire, il y en a pas beaucoup. Benoît Pouliot, c'est pas le gars le plus intéressant en entrevue en plus. Puis Yannick Weber, on n'est jamais sûr si c'est vraiment français qu'il parle. Donc, c'est plus difficile pour vous. Donc, à force d'être mis de l'avant comme ça, on en vient qu'à oublier notre rôle, qu'on est un joueur de troisième trio qui doit se défoncer, qui doit tout donner. Je vais te parler de Maxime Talbot, moi. Oui, mais il était parler de Max Talbot à Pittsburgh. Oui, mais il est devant les médias à peu près à tous les jours. Il est couru par les fans à Pittsburgh. C'est un des joueurs les plus populaires de l'équipe. Et il est là pour manger à la rondelle à tous les matchs. Maxime Talbot, tout comme Francis Bouillon et Steve Bégin, ont compris leur rôle. Ouais. Il se laisse pas influencer. C'est tout à une question de personnalité. Sauf que dans le cas de Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse, Georges Larac, qui a été un exemple assez saillant de « Je me retrouve dans les médias. » Il joue avec deux hernies, là. Faut faire attention. Oui, mais il est quand même devenu chef du Parti vert aussi. Non, non. Là, t'es un joueur de hockey ou tu ne l'es pas, là, OK? Oui, mais il jouait avec deux hernies, mais il est encore quand même persuadé qu'il était capable de jouer sur le troisième trio. Ah non, c'est sûr. Et voilà. Merci, Jonathan. Tout le monde se cherche à un certain moment dans sa carrière. Moi, c'est ça, pour revenir à Maxime Lapierre, justement, je suis suis plus ou moins d'accord avec, avec toi, Nicolas. Okay. Je suis d'accord pour sur le fait francophone, là, qu'il y en a plusieurs qui, ça leur enfle la tête, là, parce qu'ils pensent, ils se pensent plus gros que l'équipe, mais, pour ce qui est de Maxime Lapierre, je me souviens que, quand il jouait avec, pour Guy Carbonneau, il avait sa place sur le troisième trio en tant que centre, il avait son temps de glace sur l'infériorité numérique. Puis bon, l'année passée, il a subi une blessure, ça l'a mis à l'écart du jeu pendant quelques semaines. Une fois qu'il est revenu en série, il a fait des bonnes performances en série, mais cette année, on dirait que Jacques Martin avait... En fait, il a son préféré, comme n'importe quel entraîneur, puis c'est facile d'avoir que Tom Payot, il le voit dans sa soupe, là. Donc, Tom Payot a pris la place de Maxime Lapierre sur le... Il a pris son temps de glace en infériorité numérique, donc Maxime était un peu... il n'y a plus rien vraiment pour se faire valoir. Là. En plus, il a été muté à l'aile sur le quatrième trio. Donc, on est loin du... Puis il ne demandait pas justement de jouer sur les deux premières unités ou sur le power play. C'est centre du troisième trio, à la limite du quatrième, mais au centre, puis avoir un peu de temps sur une infériorité numérique. Donc lui, Jacques Martin lui a pas mal tout enlevé ce qu'il avait, là. Ouais, en effet. C'est-tu juste une question de favoritisme, parce que c'est pas tout à fait le bon mot, mais de préférence, ou est-ce que Maxime Lapierre a pu faire quelque chose qui a causé ça? Honnêtement, je vois pas, là. Ça se peut qu'il y ait quelque chose qui se soit passé à l'interne. Ça me surprendrait. Oui ou non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, oui, il y a sûrement une question de préférence. On l'a vu depuis le début de l'année. Tu sais, depuis le début de l'année, puis c'est pas seulement Maxime Lapierre qui en a été victime, mais je reviens encore à tout le monde. Tom Payot, c'est vraiment le favori des missions défensives pour Jacques Martin. Il a beau arriver seul devant le filet désert, c'est sûr qu'il va toucher le poteau. Il provoque rien en attaque, mais au moins, tu sais, étant donné que Jacques Martin, c'est un fervent défenseur du jeu défensif, justement. Je pensais t'allais dire du jeu de rab. Du jeu de rab aussi, ben Tom Payot, ça tombe vraiment dans son style. Il y en a un autre aussi qui a pas payé de l'année, puis c'est Scott Gomez. Je comprends pour toutes les raisons possibles que, c'est l'ami de Brian Genta, c'est le capitaine, il faut préserver l'esprit d'équipe, etc. Mais un qui aurait dû payer, puis qui ne l'a jamais fait, Scott Gomez. Moi, je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, Jacques Martin trouve tellement que Scott Gomez joue bien sa la rondelle, que son jeu de passe est impeccable, puis qu'il fait du back pressure incroyable, là. Mais moi aussi, je suis d'accord avec toi que ça aurait dû être... à tout le moins, là, sans passer un match dans les gradins, parce que c'est toujours touché avec un vétéran de faire ça. Là. Surtout à 8 millions par année. Pas dans les gradins, mais au moins, c'est en troisième ligne. Au moins, lui couper du temps de l'ast sur l'avantage numérique, ouais. À un moment donné. Là. Mais bon, en tout cas, c'est pas nous autres qui coachent, puis on a toujours notre propre opinion, mais je pense qu'effectivement, Gomez aurait pu écoper un peu plus. Jonathan, tu voulais nous parler de James Wisniewski ce matin? Ben oui, mais c'est parce que la semaine dernière, je vous ai fait, c'était pas une promesse, mais on avait soulevé une interrogation pourquoi que Wisniewski était rendu à une quatrième formation en quatre saisons. Mm-hmm. Oui. Puis je vous avais dit que je lui poserais la question. Puis d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un de mes textes sur Rue Fournac avec sa réponse. Je sais pas si on veut peut-être l'écouter tout de suite, puis je reviendrai. J'ai une petite question rapide pour toi. Est-ce que tu veux qu'on joue les deux sons que tu m'as envoyé un après l'autre ou tu as une intervention à faire entre les deux? Non, passe les deux un après l'autre, puis je reviendrai par la suite. Bon, on va aller écouter les commentaires de James Wisniewski sur le sujet. Well, making more money, I guess, is always a good thing. You know, if you're making more money and, you know, having career years after career years and, you know, teams with salary cap problems can't afford you or stuff like that, then that's never a bad thing. Okay, so that's... Okay. Like Chicago, you know Chicago salary cap issues, right? Okay, yeah. Okay, well, I went from 900 grand to 275, you know, with Anaheim, so they couldn't sign me. And then with Anaheim, they had like kind of like a self-proclaimed $50 million cap, so they couldn't really, you know, they didn't want to sign me because I was making too much money. I went from 275 to 325, so they traded me in New York, and I'm becoming an unrestricted free agent. So I don't know if New York thought they could have signed me. Okay. Dans le cas de Wisniewski, est-ce qu'on est agent libre avec ou sans compensation? Faudrait que je vérifie. J'ai pas pensé à regarder. Je vais vérifier ça et je te reviens sur le sujet. OK. Donc, c'est ça. Fait que la question, c'était... En fait, je lui ai amené ça en disant, tu sais, à Montréal, ça n'en prend pas beaucoup pour faire jaser le monde. Et puis, aussitôt que t'es arrivé, les gens ont mis le doigt sur le fait que t'en étais rendu à ta quatrième équipe en quatre saisons. Pourquoi, en fait, c'est une question de parce que, bon, t'es moins bon en défensive, t'es moins fiable en défensive, ou il y en a qui disaient que peut-être que t'avais des difficultés avec tes entraîneurs, t'étais un joueur difficile à diriger. Il m'a dit non, c'est pas la raison. Il dit, la raison pour laquelle je suis rendu à ma quatrième équipe en quatre ans, c'est parce que je fais plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Fait que là, j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? C'est parce que t'en veux plus que tu... il dit, non, il dit, tu sais... Il m'a donné l'exemple là, à Chicago. Il dit, à Chicago, bon, je suis arrivé, lui est un peu dans le même temps que Brent Seabrook, puis Duncan Keith. Fait qu'à un moment donné, il a vu que les Blackhawks faisaient un choix, puis il dit, je gagnais 900 000, puis je suis tombé à, je me souviens plus, je pense que c'est 2.75, ce qu'il a dit, oui. Fait qu'il dit, il y avait des choix à faire, mais on a décidé de me laisser aller. Puis après ça, l'année d'après, je suis tombé à 3, à 9, je suis tombé à de 2.75 à 3.25. Fait que les autres avaient un plafond salarial qui s'était eux-mêmes fixé à 50 millions. Fait qu'une fois, une fois de plus, ils étaient plus capables de me payer. Puis il dit, comme on connaît pas toujours la saison de notre carrière année après année, ben les directeurs généraux deviennent de plus en plus exigeants à mesure que ton salaire augmente. Donc c'est pour ça que je change de place souvent. Puis là, encore une fois, cette année, il y a encore un contrat d'un an qui se termine à la fin de la saison. Il va être agent libre avec compensation. Avec compensation. Ouais. Donc, ça, en tout cas, si on se fie à sa courbe, à la courbe de croissance de son de ses revenus, il devrait exiger, j'imagine, un 3.75 certain. Là. Je sais qu'il est tôt un peu dans la réflexion, mais est-ce qu'on peut vraiment se passer de lui pour l'an prochain? Bien, je pense que ça va dépendre de l'état de santé des... de Markov, surtout de Markov et de Georges aussi. Vas-y. Ceci dit, moi, je savais qu'il gagnait 3.25, là, Wisniewski, mais on dirait que une fois qu'il m'a fait cette réflexion-là, c'est comme si j'avais allumé, je me suis dit, ouais, 3.25 pour... pas cher, là. Ben, oui. Moi je trouve que non, pour un gars qui la première passe est toujours là, son repli défensif, ok, c'est peut-être pas toujours excellent, mais au moins il est là, le shot est bon, toujours sur le filet, a pas peur de se battre. Écoute, moi je reproche à rien là. Non, moi je suis d'accord avec toi, mais quand tu regardes c'est sûr que les statistiques, ça fait pas foi de tout là, dans une négociation de contrat, mais à première vue, quand tu regardes ses meilleures saisons, je pense que c'est il y a une saison de début et de, je pense, c'est 35 points ou 40 points, sa meilleure saison. Tu te dis, ouf, ouais, 3.25, c'est peut-être cher payé, étant donné justement que c'est pas un unidimensionnel, parce que la semaine passée, justement, je disais qu'il était capable de jouer tough, là. Mais, en tout cas, je me demandais si dans l'échelle salariale, dans le planning financier de Pierre Gauthier, il allait être capable de chuter encore. Compte tenu que l'an prochain va sûrement demander une autre augmentation de salaire. Tout dépendant, justement, là, de quel ordre cette augmentation sera. D'un autre côté, on risque pas, ou du moins, si on le revoit à Montréal, ça sera pas au même salaire. Romain Amerlic, si ce salaire de 5,5 millions se quitte le portefeuille du Canadien, ça va laisser peut-être un peu de place à aller donner 500 000 de plus c'est à James Wisniewski. Exact. Puis t'as pas juste Amerlic, il y a Gill aussi qui devient joueur autonome. Sauf que Georges peut s'attendre à faire un salaire qui devrait ressembler à ce que Wisniewski fait présentement. Ouais. Donc. Ouais, mais c'est ça. Si t'élimines les salaires d'Amerlic, moi je pense que c'est surtout Gill. Enfin, c'est un leader à Gill, là, mais tu vois qu'il tire de la patte. Ouais, c'est ça. Il y a de la misère à suivre. Là, parce que sa longue portée lui sauve la vie souvent, là. Parce que c'est pas toujours évident, là. Ça passe vite autour de lui. Je pense à André Markov en santé sur un avantage numérique. Si André Markov a été capable de faire marquer 26 buts à Sheldon Surrey avec Wisniewski, il me semble que ça serait une menace très intéressante. Ouais, mais je veux dire, Surrey comptait ces buts-là aussi. Là. Oui, Markov aidait, mais c'est Surrey qui comptait avec son lancer puissant. Là. C'est facile de dire ça, là, mais c'est pas nécessairement vrai non plus. Ben, il a fait quoi, Edmonton? Ouais. Il s'est blessé. Ouais. En se battant. Hey Jonathan, en terminant, là, on en parlait, on lançait l'idée de même à la sauvette ce matin, mais le match des étoiles s'en vient. On a élu les deux capitaines. Premièrement, que penses-tu des deux capitaines? Ben là, je voudrais féliciter notre ami qui a mis le doigt pile sur l'un des deux capitaines en... à Niklas Lidström. Ça me fait plaisir. Félicitations. Je te remercie beaucoup. Je te remercie. Bon, sachant que Crosby était l'autre choix original, moi je trouve que les choix sont parfaits. On a donné ça à Eric Staal parce que c'est chez lui. C'est aussi une bonne idée. Pour ce qui est des choix des capitaines, j'ai rien à redire là-dessus. Je trouve que la Ligue nationale, en tout cas ceux qui ont décidé de ces choix-là, ont fait un bon boulot. Et penses-tu que on niaisait là-dessus, mais on aurait-tu pu faire les bâtons? Tu me suis? Ouais. Tu me suis? Ouais, ben, en fait, je comprends l'idée, mais en même temps, les autres, ça pouvait faire un gros show. Un show à la TV, là. Ouais, c'est sûr que. Tu te ramasses avec les six gardiens du même bord. Mais non, là, mais tu fais les bâtons de gardien, les bâtons de défenseur, puis les bâtons de joueur. Ça vient l'ombre. Tu mets une tuque sur la tête à Gary Bettman, mais tu lui laisses voir un peu. Là, comme quand on était jeune, puis on s'arrangeait pour que le bâton de notre meilleur ami soit de notre bord. Ouais, ça aurait pu, mais je pense qu'en même temps, il voulait garder une touche professionnelle ou spectaculaire à ça, mais ça aurait pu être une mais je vous dis, Michael Peca va trouver sa soirée longue. De quoi, Michael Peca? Il est sélectionné, c'est sûr qu'il est sélectionné en dernier. Michael Peca, c'est Patrick Galiache. Patrick Galiache, ouais, je te dis, tu t'en vas où? Il est sorti de où, Michael Peca? Dans un coin éloigné de mon cerveau. Il est tourné dans le tête, tu faisais bâton. Ouais, c'est ça. Mais non, Patrick Galiache va trouver la soirée longue. On verra, là. C'est tout à fait difficile à dire qui va être choisi, mais c'est sûr que ça va être un attaquant de toute façon, fait que ça ne l'aide pas non plus. Là-dessus, je m'en ai dit aussi, j'ai l'impression si on aurait fait les bâtons, que les Américains n'auraient peut-être pas compris non plus ce qui était en train de se passer. Ouais, c'est de quoi qui est très canadien d'aller jouer à la patinoire, puis le nord des États-Unis aussi, mais que ensuite, là, une fois plus bas que le Vermont, là, ça se perd comme tradition. Ou t'aurais pu aussi, pour déterminer le premier choix, là, celui qui va obtenir le premier choix, lancer le bâton, puis tu t'attrapes le bâton, puis celui qui met la mèche dessus en dernier, ouais. Le premier choix. Comme au baseball. Celui qui lance le plus proche de la bande sans y toucher. Ouais. ça aurait fait de la belle TV. Hein? On aurait eu du plaisir. Ben écoute, Jonathan, je te remercie beaucoup de t'être joué avec nous ce matin. Voulais-tu parler du rufrontenac.com, le numéro qui est sorti hier? Oui, ben en fait, c'est ça. Là, moi, c'est surtout on parle de, comme je disais, de James Wisniewski, qui est aussi tellement heureux d'être à Montréal. Là, je sais pas si... Ben, d'ici à Long Island, il y a une bonne différence. Ouais, ben en fait, ce qui est drôle, c'est que je vais vous vendre un peu mon punch d'un des deux textes que j'ai fait. C'est ça que j'ai demandé. Ça doit être agréable ou excitant de passer d'un marché où il n'y a pas personne dans les gradins à un marché où les matchs sont toujours disputés devant des salles combles. Puis il m'a dit, il n'y a pas juste ça, il dit, je suis tellement content de me joindre à une équipe avec autant d'histoire, puis finalement une équipe qui aspire à la Coupe Stanley, tu sais. Fait que là, à la fin de mon texte, j'écris bon sang, calmez-le quelqu'un. Je savais pas que 32... Il a dit qu'il avait 32 matchs à Long Island, ça peut faire perdre la tête à un athlète. C'est sûr qu'il veut un autre contrat. Il pense pas à ça cette année, lui-là. Non, mais quand tu joues pour Long Island, après ça, pas mal toutes les équipes en haut de toi peuvent aspirer à la Coupe Stanley, de toute façon. Là. On est en position pour faire les séries. Regardez les Flyers de Philadelphie. L'an passé, ils sont passés à 3 matchs de remporter la Coupe Stanley. Donc, on sait jamais. Avec pas de goaler, comme on dit. C'est donc bien récurrent dans le cas. Le dernier bon goaler qu'ils ont eu, c'est Bernard Parent. Pelle Lindbergh. Il a réussi à échapper sa vie dans une coupe. Parlant de gardien, je sais pas si on a encore le temps. Vas-y. Avec l'histoire d'Evgeny Nabokov. Oui. En fait, il a été signé par Détroit, mais il y a de fortes chances que les Red Wings fassent jouer le même taux que les Blues avec Zvatos et Wellwood, parce que les Islanders et les Oilers, ainsi que je pense même les Sharks, ont un œil sur Nabokov. Les Sharks? Ouais. Ça serait ironique, ça, là. Ben oui, mais je comprends donc. Mais là, c'est ça, à un moment donné, tu dis, ouais, ben j'ai fait une erreur. Fait que tu reviendrais-tu jouer avec les autres? Je suis pas sûr que Nabokov serait très, très heureux, mais. Il manque juste la chanson Repartir à zéro en fond, pour son retour au HP Pavilion à Saint-José. Ouais, tout ça pour dire que c'est ça, quand tu vas chercher des joueurs dans la KHL, c'est risqué, surtout à ce temps-ci de la saison, parce que bon, souvent tout le monde s'épile l'un l'autre, là, puis des fois il y a des directeurs généraux un peu plus paresseux que les autres qui laissent leurs confrères faire tout le travail, puis au moment où le poisson passe, ben ils l'embarquent dans la chaloupe. Fait que je suis sûr que les Blues sont pas mal en furie parce qu'ils sont fait jouer deux fois le même tour. Puis si les Red Wings également se font jouer le tour, là, peut-être que ça pourrait peut-être amener un changement de règlement. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Moi, je trouve ça super intéressant parce que au début de la saison, on a été surpris de plusieurs joueurs qui n'ont pas obtenu de contrat, qui ont été obligés d'aller jouer dans la KHL. Puis on a dit, bon, ben la Ligue se rajeunit, on va avoir un changement, on va avoir quelque chose. Là, au fil de la saison, avec les blessés, avec les joueurs qui répondent pas aux attentes, on va en chercher d'autres, on essaie. Donc, ça fait du mouvement, ça fait... Qu'on aille en chercher d'autres, ça me dérange pas et je trouve ça génial. C'est le fait que toi, tu fais l'effort d'appeler en Russie. Ça coûte super cher de longue distance, en plus. Tu vas me faire pleurer. Non, mais tu fais l'effort d'aller chercher le joueur, de le signer. Tu fais toute la paperasse, tout ce qu'il y a à faire. Et boum, au ballottage, tu te le fais voler sans que l'autre équipe ait fait quelque chose. C'est comme ça. C'est ce que John Davidson déplorait, c'est le président des Blues. Là. C'est ce qu'il disait. Lui, en plus, c'est ça, lui, il énumérait un peu tous les frais que ça en cause. Les frais d'avocat, les frais de déplacement. T'amènes le joueur... dans ta ville où tu vas le visiter là-bas, tu lui fais les négociations de contrat avec lui, tu boucles la boucle finalement, tu viens pour le ramener, et 24 heures après, ben là tu le perds. Oui, mais au lieu de faire un communiqué de presse puis un lancement en grande pompe disant que tu t'es entendu avec Kyle Wellwood, tiens sa mort, ben oui, attends que ça passe. Ouais, ça va quand même passer sur le fil de la Ligue nationale. Ouais, Ben oui, je sais que ça va passer sur le fil de la Ligue nationale, mais t'as déjà moins de chances de le faire repérer que si tu cries à tout le monde. J'ose espérer que les directeurs généraux de la Ligue nationale savent tout qui est Kyle Wellwood et ce qu'il peut relativement offrir à ton équipe. Oui, mais j'ai des doutes à savoir sur est-ce qu'il la regarde vraiment tout le temps. Peut-être qu'il dort moins au gaz, mais dans le lot, sur les 30 équipes, je pense quand même... Il y en a un qui dort moins que les autres. Ouais, c'est ça. Il aurait fait voler quand même. Ouais. Je vois mal un Ken Allen dormir sur le gaz. Ouais, c'est vrai qu'il dort au gaz, là, à la fin de la saison, c'est bonsoir, il est parti. Ouais. Souvent, c'est pas long. Hein. Ah ben Jonathan, merci beaucoup de t'être joué avec nous ce matin. Passe une belle fin de semaine. Pareillement, puis je te souhaite un bon match contre les Ducks, puis j'espère que tu vas crier fort pour ce coup. Je vais être debout. C'est bon. Bonne journée, Jonathan. Salut. Donc, il est présentement 10h10. On va aller à une pause. Au retour, un petit peu de musique et on va s'entretenir ensuite avec Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice. On va parler des cataractes et du hockey junior majeur. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. 89. Ah, c'est fou, là, bonjour, je suis Michel Bonneval, vous écoutez l'inconduite de partie. Et c'était Cafard avec la chanson Halogène. Vous êtes toujours à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est Fou 89.1. Et se joint à nous par téléphone, M. Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice. Ça va bien, Jonathan? Salut, Nico. Ça va? Écoute, Jonathan, Cataract de Shawinigan. Ça va quand même bien là, ces temps-ci. Et on a vu du grand Gabriel Girard contre les Tigres mardi. Ah, ben effectivement, son deuxième jeu blanc de la saison. Il faut dire qu'il n'a pas été des plus occupés. Toutefois, c'est souvent ce qui est difficile hein, chez un gardien de but lorsque soit un lancé au 5, 6, 7, même il y a une séquence d'environ 10 minutes sans lancer. Donc à ce moment-là, c'est ce qui peut venir jouer un mauvais tour là, au gardien de but, justement. Lorsqu'il est peu occupé, il peut se faire surprendre par un mauvais rebond, quelque chose comme ça. Mais Girard a su là, garder sa concentration en début de match lorsqu'il était peu occupé et lorsque l'action là, s'est amenée dans sa zone, il était prêt. Finalement, ben a été constant du début à la fin. Son deuxième jeu blanc de la saison, une victoire de 4-0 et ça aurait pu facilement là être un pointage beaucoup plus élevé que ça si ce n'était pas du brio d'Antonio Mastropietro, le gardien de but des Tigres de Victoriaville, qui a quand même extrêmement bien fait là dans les circonstances, a reçu une trentaine de lancers, a cédé sa place en fin de match à une jeune recrue, parce que vous savez, David Onzé qui était au défi mondial là, ou plutôt au concours là, des plus beaux espoirs au Hardware. Alors, on avait rappelé un jeune gardien du Midget 3, alors à 4-0, lorsqu'on savait que le match était hors de portée chez les Tigres, l'entraîneur-chef Yannick Jean, qui a donné un petit congé à son gardien de but, Mastropietro, pour laisser justement la chance à cette jeune recrue-là, Brandon Whitney, de voir un petit peu d'action dans les ligues de hockey junior majeur du Québec. Mais bref, avant quand même son retrait, là, Mastropietro, qui avait extrêmement bien fait plusieurs vols, là, donc il a été sublime, mais ça n'a pas été suffisant. Le gardien de but ne peut pas faire tout à lui seul, et puis si on ne marque pas de but, on ne peut pas marquer, alors ça explique un petit peu là, l'allure de ce match-là. Tu disais que dans ton texte sur l'hebdo de Saint-Maurice que Yannick Jean, l'entraîneur des Tigres de Victoriaville, n'était pas très content de la performance de ses troupiers. Oui, ben même si le résultat lui plaisait pas, était quand même très sympathique après le match, mais néanmoins c'est ce qu'il disait là, qu'il avait aucune raison de se faire blanchir au cours du match. Et il avait raison, là, les Tigres auraient pu se comporter d'une meilleure façon, entre autres plusieurs échappées. Là, là-dessus, on peut quand même donner le crédit à Gabriel Girard, là, qui a fait les gros arrêts sur Guillaume Goulet, Brandon Hines, entre autres, qui se sont amenés seul face à lui. Et Yannick Jean là était un peu découragé de voir ça, mais à la défense de son équipe, il faut dire qu'il manquait plusieurs gros morceaux chez les Tigres. Ils étaient privés de 6 joueurs réguliers, dont un joueur de 20 ans, dont leur capitaine. Donc c'est pas facile dans les circonstances. 3 joueurs qui étaient sur la touche en raison de commotion cérébrale, un blessé au genou, une fracture du doigt dans un autre cas. Alors il manquait des gros pions, de sorte qu'on a dû se tourner vers des joueurs affiliés, des joueurs du Midget 3. Il y avait plusieurs nouveaux visages dans la formation, donc ça a pas aidé non plus la cause des Tigres. C'est difficile de se trouver dans ce temps-là quand on a plusieurs joueurs qui s'ajoutent à l'alignement rapidement comme ça et qui prennent la place de joueurs clés. Ouais, ben effectivement. Et puis en plus de tout ça, là, les Cats qui disputaient un bon match sont sur une bonne séquence. Et puis disons que c'était pas évident d'avance là, pour les Tigres de s'amener à Shawinigan dans ces circonstances-là. Et ben ils se sont butés à une équipe là, qui était au sommet de leur art. Alors le résultat était sans équivoque. Parlant de la bonne séquence des Cataractes, ils vont tenter de la continuer ce soir au Centre Georges Vézina chez Coutimi. Comment t'entrevois ça, cette partie-là, du côté de la Cité d'énergie? Oui, ben c'est certain là que si on regarde les deux formations sur papier, on doit donner l'avantage aux Cataractes, surtout que Ryan Cavanaugh là, s'est enfin réveillé depuis quelques matchs. On se souviendra à Gatineau dimanche dernier. Cavanaugh a un but, une mention d'aide, et depuis ce temps-là, il joue vraiment en confiance. Donc on peut dire que la pression du premier but est tombée pour Cavanaugh. Depuis ce temps-là, là, il joue le bâton un peu moins serré. On peut voir d'ailleurs dans son jeu, là, ça se reflète. Et c'est profitable autant pour lui que pour le restant de ses coéquipiers sur la patinoire, là, qu'on le veuille ou non. Si moins d'erreurs, plus de beaux jeux, et forcément là, plus de chances de marquer. Alors c'est bénéfique pour tout le monde, et les Cats qui vont bien là, depuis la semaine dernière. Du côté de Chicoutimi, tu le sais, dans le junior, on parle souvent de cycle par rapport à la qualité de ton équipe. Chicoutimi fait quelques années qu'on est, tu sais, le cycle a fait son retour en bas. Comment t'entrevois le... Quand va-t-on revenir au sommet du côté de Chicoutimi? Ben, en fait, on dit souvent que le junior, c'est cyclique, c'est 3 ans. Chicoutimi, ça semble être 8. Ça semble être rude. Est-ce que d'un côté Richard Martel, parce qu'il est directeur général entraîneur, est-ce qu'il serait à blâmer de plus en plus? Ouais, écoutez, difficile pour moi de répondre à cette question-là. Toutefois, c'est certain que sa cote de popularité est pas à son sommet là présentement à Chicoutimi. Les partisans là qui commencent à gronder là pas mal là-bas. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec les Saguenayens de Chicoutimi. Lui-même a jeté l'éponge là pour cette année. Lorsque bon, en début de saison, il tenait des propos différents et là finalement cette année a recommencé à parler de reconstruction quand on parlait déjà de reconstruction l'an dernier et la saison précédente. Alors, c'est certain là, qu'en ce moment, il y a un problème du côté de Rimouski. Est-ce que c'est seulement la faute de Richard Martel? Je suis pas en mesure de répondre à cette question-là. Est-ce que Richard Martel va être à Chicoutimi pour rester encore bien longtemps? Je suis pas en mesure non plus de répondre à cette question-là, mais chose certaine, le bouillon réchauffe tranquillement là, autour de Martel. Parce que du côté de Martel, on fait quand même partie du mobilier un peu. Là, on est à Chicoutimi depuis longtemps. C'est difficile de se départir de quelqu'un, surtout qu'il y a un gros poste comme ça dans l'équipe, directeur général, entraîneur, mais du côté de... Ça devrait être facile du côté de Shawinigan ce soir, mais encore, on a été surpris, comme on peut être surpris comme on l'a été contre Rimouski, la semaine dernière. Ah, ben officiellement, hein, faut pas prendre les signes à la légère pour revenir à Richard Martel, c'est l'entraîneur dans la ligue qui a dirigé le plus de matchs, sans toutefois jamais avoir eu l'occasion de lever la Coupe du Président. Et bon, je pense que c'est pas un secret de dire que ça arrivera pas encore cette année. Donc, j'ai hâte de voir là justement à quoi ressemblera les Sags au cours des prochaines années. Ça va être intéressant à suivre. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent présentement dans la ligue à propos de possibles transferts de formation. On sait que le Lewiston, ça va pas très bien. Le Rocket du Prince-Édouard à Charlottetown, c'est très moyen. Il y a du temps d'Acadie Batters aussi qui est pas un succès année après année. La rumeur qui est sortie cette semaine, c'est comme quoi Lewiston s'en irait à l'île du Prince-Édouard, mais à Summerside, où est-ce qu'on a construit un nouvel aréna de 5000 places. Pour nous, à Trois-Rivières, on peut dire, si vous le bâtissez, peut-être qu'il y a une équipe qui va venir un moment donné. Ça semble être le cas du côté de Summerside. Et le Rocket, qui, eux, s'en irait vers Sherbrooke. Comment tu vois ça, cette rumeur? Ben, il y a trois choses là-dedans. Premièrement, je veux revenir sur ton point de Trois-Rivières. Je pense qu'on peut tout de suite oublier ça. Les Cataractes déposeraient automatiquement un droit de veto territorial. Faut dire que de plus en plus, les Cats qui tentent de devenir l'équipe d'une région, on vise vraiment le public de la région au grand complet. Plusieurs détenteurs de billets maintenant qui viennent de Trois-Rivières. Alors, c'est certain, là, même si les Cataractes le disent pas haut et fort, c'est certain qu'ils utiliseraient leur veto territorial si jamais Trois-Rivières voudrait avoir une concession. Pour ce qui est de Summerside, la différence est que Summerside n'est pas dans le rayon territorial, là, justement, de Charlottetown. Donc, le ça fameux veut dire 40 que, kilomètres? Pardon? Le fameux 40 kilomètres? Oui, ben c'est 40 ou 50, là, j'ai pas le chiffre exact, mais je sais que Summerside est juste un peu plus loin de quelques kilomètres seulement, ce qui fait en sorte qu'il n'y aurait pas de veto territorial. Ce sera aux autres gouverneurs de la Ligue de hockey junior majeure de décider justement si Summerside pourrait accueillir une concession. Et j'ai lu justement là-dessus sur le web hier, si ma mémoire est bonne, là, c'était un papier du collègue Michael Lalancette qui s'entretenait justement avec Serge Chavard Junior. Et lui, ce qu'il disait, c'est si jamais les Maniacs veulent transférer à Summerside, ça sera au gouverneur de décider. Et j'ose espérer que les gouverneurs ne laisseront pas passer ça, parce qu'à moyen terme, c'est une faillite assurée pour les deux concessions. Le marché est trop petit. Il y a des détenteurs de billets de saison du Rocket qui demeurent à Summerside. Alors pour eux, il semblerait que ça soit pas viable, là, deux concessions. Et Serge Chavard Junior qui espère justement que les gouverneurs bloquent le transfert à Summerside, et sinon il y aura des décisions qui devront se prendre du côté du Rocket. De toute façon, tu l'as mentionné, il y a déjà des rumeurs comme quoi le Rocket pourrait déménager, plier bagages en direction de Sherbrooke. De leur côté, pour l'instant, on dit que c'est pas une option qui est envisagée, mais qu'on sait jamais qu'est-ce que l'avenir réserve. Parce que du côté de la troupe de Sherbrooke, on parle qui est menée par Jocelyn Thibault, entre autres, et d'anciens joueurs du Canadien. Donc, des gars qui connaissent le hockey et qui ont des poches assez remplies, merci, dû à leur excellente carrière dans la Ligue nationale. Le centre, le palais des sports à Sherbrooke, qui présentement est pas à la fine pointe de la technologie, on s'entend que c'est très loin de ce qu'on offre au centre Bionès aux partisans. Déjà, le maire de Sherbrooke serait intéressé à investir quelques millions pour rénover l'endroit. On semble avoir faim de hockey à Sherbrooke dans ce cas-ci, mais les dernières aventures de hockey junior à Sherbrooke, c'est-à-dire Faucon et Castor, c'était pas... Tu sais, Sherbrooke est quand même une ville d'une grosseur appréciable à 175 000 personnes, ont pas été des succès. Donc, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Je me rappelle, j'ai vécu à Sherbrooke et quelqu'un de bien branché dans le sport là-bas me disait le hockey junior passionne pas les gens de Sherbrooke. Ils sont plus vers le hockey professionnel et à cette époque, le Saint-François de Sherbrooke attirait 2 à 3 000 personnes par match. Oui, ben, je pense que tout est une question marketing aussi, de la ouais. manière que les ventes sont effectuées, le produit qu'on va emmener sur la glace, dans les gradins également. Bon, écoutez, je veux pas flatter davantage là, les cataractes, mais il faut dire quand même qu'eux, l'amélioration est très grande là, depuis leur arrivée au centre Bionnes. Le travail qui a été fait, tout l'aspect marketing s'est rendu un happening familial, si on veut, les cataractes. La clientèle a énormément changé de l'aréna Jacques Plante à aujourd'hui. On attire davantage maintenant les familles et même chez les cataractes, on le dit, c'est plus seulement un match de hockey, c'est un spectacle qu'on tente d'offrir tant par les gradins, les animations, la mascotte, nommez-en. Là. Donc, je pense que si Sherbrooke là, se base un petit peu sur ce modèle-là, il devrait pas avoir trop de problèmes de ce côté-là. Ils ont la population pour remplir l'aréna. Il reste juste à mettre un produit qui va attirer cette clientèle-là. Oui, puis justement, tu parlais du centre Bionnes et tantôt, je faisais référence à Trois-Rivières qui parle de bâtir une aréna de 5 000 $, oui, ça serait pas cher, 5 000 places, qui serait peut-être plus, bon, certains ont parlé de East Coast ou même de Ligue américaine, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais du fait qu'une fois qu'on a une aréna de haute qualité, les possibilités s'ouvrent et les gens ont le goût d'aller visiter l'endroit, ont le goût d'aller voir. Tandis que présentement, au Colisée de Trois-Rivières, c'est aussi pénible, c'est très pénible d'aller voir un match dû au confort, dû à comment l'aréna est faite. Donc, les cataractes ont su profiter de leur nouvel amphithéâtre pour joindre en plus un excellent service de marketing et créer un événement, comme tu le dis. Tout à fait d'accord. Écoute, Jonathan, je te remercie beaucoup de t'être joint à nous. Eh ben, y a pas de problème, Nicolas. Ce soir, t'es pas à la description à Chicoutimi, là? Non. On va prendre ça un peu plus mollo. Ce soir, on va téléphoner à l'entraîneur-chef Éric Veilleux après le match. Donc, environ une demi-heure à 45 minutes après la rencontre, les commentaires d'Éric Veilleux et les principaux faits saillants du match, là, qui seront disponibles sur notre étoile. Et je ne suis pas très inquiet que ça va être excellent comme d'habitude. Donc, pour ceux qui vont vouloir aller, ça, c'est l'hebdo avec un L, l'hebdo du Saint-Maurice.com. Merci beaucoup, Jonathan. Salut, bonne journée. Bonne journée. Donc, on continue avec le junior majeur. Quelques petites nouvelles rapides. Ben, tout d'abord, les matchs ce soir, à part Shawinigan qui va être du côté de Chicoutimi. Drummondville dispute une rencontre ce soir à Val-d'Or. C'est à 19h30 à l'Arena Marcel Dionne. Donc, les gens du coin qui nous écoutent, du coin peut-être du centre du Québec, ça peut être quelque chose d'intéressant à voir. Attendez-vous à une victoire, Val-d'Or, qui n'a pas une très grosse saison. Et Victoriaville sont dans les Maritimes pour affronter les Moussettes d'Halifax. On peut parler aussi de Olivier Roy qui a réussi à atteindre un plateau très intéressant dans sa carrière de hockey junior majeur. Il a récolté sa 111e victoire de sa carrière. C'est le deuxième plus haut total de l'histoire de la Ligue. Hier soir, dans un gain de 4-2 du Titan face au Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard. Le seul qui le devance présentement, c'est Jacques Cloutier qui détient le record avec 142 victoires avec nul autre que les Draveurs de Trois-Rivières. Ici même, là, à l'époque où les Draveurs remplissaient la foule du Colisée de Trois-Rivières. Et ça, c'est feu époque, hein, c'est assez loin, merci. Est-ce que c'est à l'époque de Michel Bergeron? Ben, c'est dans ces coins-là, je te dirais, dans cette région. Donc, et c'est pas mal ça pour le hockey junior. On va vous en parler un petit peu plus lundi. On va pouvoir analyser les matchs de la fin de semaine. Donc, vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie. On va se quitter pour une pause rapide et au retour, on va parler du hockey en Mauricie et d'un projet du match. On va revenir sur les Patriotes. On a une belle nouvelle pour vous, les auditeurs à la maison. Donc, on se revoit dans 3-4 petites minutes. C'est foncé dans vos oreilles. 89 1. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedeparti.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. À la boxe, Benoît Fleury a franchi avec succès la première étape pour conserver sa place sur l'équipe nationale en remportant une victoire convaincante de 13-3 contre le champion Jonathan Quinnid hier au box-off de Saint-Hyacinthe. Au golf, Dave Love III a été nommé capitaine de l'équipe américaine lors du tournoi de la Coupe Ryder. Love, âgé de 46 ans, a pris part à 6 épreuves de cette coupe. Une seule rencontre était disputée hier dans la LHGMQ, c'est avec une victoire de 4-2 des Titans de la Cathy Batters contre le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard que le jeune gardien québécois Olivier Roy encaisse son 111e gain dans sa carrière junior.

agréable, ça, un matin, c'est agréable, fait du bien. On va parler de hockey à Mauricie, donc ce qui s'est passé dans le monde de tout ce qui est, ben, dans le monde de hockey à Mauricie. Je pourrais être moins précis que ça et en même temps dire tout ce que ça a à dire, ça serait difficile. Le Caron Aigué est en action hier soir contre le Saint-François de Sherbrooke. On en parlait tantôt du Saint-François, justement, pour qui la concession va encore relativement bien là, du côté de Sherbrooke. Donc, c'était 5, ça s'est terminé 5-4. Par contre, le Caron Aigué avait pris une avance de 3-1 dans ce match suite en deuxième période à début de Louis Manville, Steve Larouche et Alexandre Jacques. Par contre, en troisième, c'est 3 buts en moins de 10 minutes du côté du Saint-François. Mathieu Dumas, Yannick Tremblay et Philippe Bolduc qui viennent faire mettre la marque 4-3. Alexandre Jacques va compter son deuxième but en avantage numérique 2 minutes plus tard. Donc, on met les deux équipes sont à égalité. Mais par contre, à 17 minutes 52, Bobby Mazerolle avec son deuxième, 12e but de la saison qui vient donner la victoire au Saint-François. La défaite vers l'affiche de Julien Ellis et du côté de Sherbrooke, c'est Maxime Daigneault qui récolte la victoire. Il y avait hier 1094 personnes du côté de Trois-Rivières, du côté du Colisée de Trois-Rivières. Ce soir, Trois-Rivières est en action. Ils seront à Thetford Mines. La partie débute à 20h30. C'est tard de commencer un match, ça, 20h30. Pareil, je trouve, du côté de Thetford Mines. C'est la même chose du côté de Rivière-du-Loup. Donc, je ne sais pas si on tente de... C'est une façon de faire un marketing différent, commençant tard comme ça. C'est sûr non plus qu'on n'attire pas tout à fait la même foule que pour le hockey junior majeur. Donc, c'est différent un petit peu. Je parle des estacades qui étaient en action. La fin de semaine dernière, c'était contre Jonquière. C'était samedi. Et dans ce match, c'est une victoire de Trois-Rivières par la marque de 4-1. Les buts du côté des Trifluviens, c'est Maxime Saint-Cyr, Pierre-Olivier Grandmaison, Philippe Minot et Raphaël Luneau de Serre. La victoire va à l'affiche de Bibot. Antoine Bibot du côté des estacades. Et finalement, je vous parle des Dragons du Collège de la Flèche qui étaient en action la fin de semaine dernière. Je vous en avais parlé, là, c'était un challenge là pour le réseau collégial où est-ce qu'on allait disputer deux matchs. Toutes les équipes disputaient deux matchs en deux jours, toutes à l'Arena de Sainte-Foy du côté de Québec. Et du côté de la Flèche, ils l'ont tout d'abord emporté 7-1 du côté par le Cégep de Saint-Laurent, le match disputé à 10h samedi. Et dimanche, la Flèche l'ont emporté 6-1 contre le Cégep Lionel Groulx, toujours du côté de l'Arena de Sainte-Foy. Ce soir, les Dragons sont en action. C'est au centre sportif de l'ancienne Norette. Ils vont affronter le Collège Champlain-Saint-Laurent. C'est à 19h30 du côté toujours de Québec. Et finalement, messieurs, on va parler un petit peu de ce qui nous arrive. Ce soir, le match, on en a parlé dans la fin du bulletin de nouvelles. Marc-Antoine en a déjà glissé un mot. Le match des Patriots ce soir contre les Redmen de McGill, pour une toute première fois, je crois, là, il me semble que ça n'a jamais été fait sur les ondes de CIFU à ma connaissance, va être diffusé sur les ondes de CIFU.ca. C'est un projet pilote, disons-le, du côté de CIFU. On essaie, on va voir ce que ça va donner au niveau probablement de la réception Ça a été testé déjà. Où ça? Non, mais c'est pas toi qui me disais que t'avais testé. Ah non, mais je dis projet pilote dans le sens de diffuser un match des matchs des Patriotes. Oui. Non, je sais que ça va marcher. Okay, c'est ça. Tu m'en fais pas. Non, je me suis dit, ça y est, on monte à McGill pour rien. Non, ça va. On va aller là-bas, on va décrire, puis personne ne va nous entendre. Donc, le lien va être sur la page de cifou.ca. Je ne sais pas si ça a déjà été ajouté. Sinon, rendez-vous sur le site de l'inconduitedeparti.com. J'ai déjà créé le lien pour vous rendre. Dans le fond, vous vous rendez à un des deux endroits et vous cliquez sur le lien qui va vous emmener vers un magnifique site qui s'appelle Ustream, qui va vous permettre de chatter, qui va vous permettre de commenter le match contre les méchants Redmans. Même sur notre page Facebook également, on a les liens qui vont permettre de... Oui, ajoutez-nous sur Facebook. Mm-hmm. Donc, on va avoir tous les liens, tout ce qu'il faut pour vous, pour pouvoir écouter cette rencontre. Et à la description, ce sera moi, Nicolas Ducharme, qui va tenter l'expérience. Est-ce que je suis nerveux? Un petit peu. Je dirais, honnêtement, j'écoute Martin McGuire depuis deux matchs et je vole tout ce qu'il peut dire. Écoute! Non, honnêtement, je suis plus bu. Et le but, j'ai eu beau tenter de dire, et contre, je ne suis pas capable, et le but. Écoute, ce sera toi, Nick, il faut y aller avec le naturel. Je vais laisser le flow se faire aller à travers tout ça. Donc, on va voir. Et à l'analyse, écoute, ce sera pour ce match, Philippe Doucet. Philippe, que tu vas tenter de rendre le plus réel possible la rencontre pour nos auditeurs. Ouais, ben on va tenter justement là, d'y aller de nos analyses qui généralement sont excellentes, mais qui se font dans les gradins. Donc là, pour une fois, on va les faire au micro. Donc, ça va être assez intéressant. Une première pour moi aussi, là, quand même. Est-ce que je dirais que je réalise un petit rêve de jeunesse? Ben, là, pas loin. C'est intéressant. Je ne suis pas le Canadien, mais c'est une équipe de hockey que j'adore. Donc, ça va être très, très, très, très plaisant. Et on va tout tenter pour ne pas être trop partisan. Ouais. Je parle pour mon expérience. Quand je suis devenu journaliste, ici, surtout cette année, à couvrir pour le Zone Campus, pour la radio à temps plein, t'as pas le choix de te distancer un peu de l'équipe. Et même à Montréal, pour le Canadien, on le fait certaines fois trop. Où est-ce qu'on est tellement fan, on était tellement fan et on devient à couvrir l'équipe qu'on fait tout pour pas que ça paraisse qu'on est fan. Et du côté des Patriots, pour toute personne qui les couvre, c'est difficile de ne pas être fan parce qu'ils ont gagné, ils gagnent année après année, des saisons de 3 défaites, 4 défaites. Donc, ça n'a jamais été ça qui était inquiétant. Cette année, c'était un petit peu plus difficile du côté des Pats pour de multiples raisons à travers tout ça. Donc, moi, j'ai réussi à faire la coupure et garder un aspect professionnel. Phil, ça devrait venir assez rapidement. Compte pas là-dessus. T'es un garçon assez posé quand même. Oui, posé dans le sens de assis, là. Oui, c'est ça. OK. Si c'est dans ce sens-là, je suis très, très posé. Ouais. Donc, le match est à 19h30. On vous fait un avant-match vers 19h25. Ça devrait commencer. Vous allez voir la page au pays où vous faites le fameux actualiser. Mais vous ouvrez la page, ça va se j'ai juste loadé. Ça va télécharger par soi-même et vous allez pouvoir écouter ça. Donc, dès 19h25 en direct du McConnell Arena de McGill à Montréal. On va à la musique, on va écouter le reel du petit minou des Delaware Chuck et au retour, on va parler football un peu. Ça s'en vient, les séries qui recommencent du côté de la NFL. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou! Our Chuck avec la chanson Le Real du Petit Minou. On va parler d'NFL, mais tout d'abord, on va aller à la météo du côté de vos prévisions locales pour Trois-Rivières. Présentement, c'est nuageux avec quelques flocons. Il fait moins 10, mais toutefois, avec le facteur vent, on reçoit 1,16. Tout simplement parce qu'il y a des vents du nord-ouest de 15 km/h. Ce soir, la neige va cesser. On va toutefois avoir droit à des passages nuageux devant la magnifique lune. Il se sera un moins 14 degrés, mais le vent va avoir augmenté un petit peu, ce qui va faire qu'on va ressentir un moins 22 degrés. Et pour demain matin, on annonce une journée quand même frisquée à moins 20 et ensoleillé avec des passages nuageux. Même chose pour samedi, finalement. Pour dimanche, ensoleillé, 20 degrés, moins 20 degrés plutôt. Petite vague de froid, première de l'hiver, disons-le. Et donc, regardez vos autos si vous avez assez de batterie ou si vous en avez pas assez. NFL, les boys. Les séries. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Du côté des matchs, écoutez, je vous dis, les premiers matchs, devrais-je dire, des championnats de conférence, ça va être à Green Bay. À Chicago contre Green Bay. C'est dimanche à 3h sur le réseau Fox. Et du côté de Pittsburgh contre les Jets de New York, c'est à 6h30. Donc, on va jouer un match en soirée à Pittsburgh. Va faire peut-être frette un peu. Mike Tomlin va peut-être enfin zipper son manteau. Ouais, peut-être éventuellement. Puis du côté de Rex Ryan, il est correct, il est protégé par sa masse adipeuse. Adipeuse, c'est probablement le plus beau mot qu'on a utilisé dans l'année. Oui. Quoi que oléoduc tout à l'heure, t'es pas mauvais. Ouais. C'est bien, hein? Donc, à 6h30, c'est un match en soirée du côté. Ce qui me surprend, on aurait pu peut-être y aller pour deux matchs. Un match samedi soir, un match dimanche, mais bon, au moins, on devrait arriver. Ça va être un dimanche football à partir de 3h. Ce qui est bien, parce que les matchs qui débutent à 1h sur la côte Est, il est 10h du matin dans l'Ouest. Mm-hmm. Donc, c'est pas ça qui va aller chercher le plus de foule. Et du côté de Fox, c'est sûr qu'on va aller chercher le plus de spectateurs possible parce que c'est relié avec beaucoup, beaucoup de revenus. Sur ESPN, on demande justement aux gens quelles seront les deux équipes qui vont s'affronter. Et 52% des gens sont d'accord avec toi puis JP qui disait la semaine dernière que lundi en fait que les Steelers et les Packers allaient s'affronter sur 43 456 répondants. Donc 52% de ces gens vont se tromper. J'ai changé, j'ai les Steelers contre les Bears. D'après moi, Aaron Rodgers là, sa lumière va s'éteindre demain, dimanche. Mais tu sais, d'un autre côté, je me dis que je veux voir Green Bay passer parce que je trouve que c'est une équipe qui est super intéressante à voir. J'adore Aaron Rodgers, j'adore ce qu'il est capable de faire sur un terrain. Je suis extrêmement content de voir une confrontation Chicago-Green Bay, ce qui n'était pas arrivé depuis 1941 malgré l'immense rivalité qui existe entre les deux équipes. Mais je veux voir Green Bay passer et de l'autre côté, honnêtement, ça me dérange pas. Je trouve les Jets jouent bien. Je trouve que Rex Ryan a fait de quoi d'extrêmement bien. Hey, contre les Patriots, c'était une percée de ligne défensive. Écoutez, la nouvelle est sortie comme quoi Tom Brady avait une fracture de stress au pied. Donc, capable de jouer, mais incapable de courir vraiment, capable de marcher dessus. Probablement extrêmement... j'ai juste tapé le mot, là, mais entouré de bandages pour tout retenir ça. Mais donc... Est-ce que c'est une raison pour la défaite? Non, je pense pas. Pour les Pats, je pense pas. De toute façon, Tom Brady n'est pas un carrière qui court. Non. Et la façon que la ligne offensive des Pats n'a pas tenu le fort contre les Jets, non, je pense que le problème était là. Tom Brady n'a peut-être pas disposé du temps qu'il aurait voulu. Et même sur les jeux de passe, là, en première demi, à un moment donné, il y avait 4 verges en moyenne de passe par passe. Parfois, je veux dire, pour un running back, là, un porteur de ballon, merci, ou un demi-inséré. Ou un demi-inséré. C'était la traduction que je cherchais. Ouais. Pour un demi-inséré, 4 verges par course, c'est moyen, mais par la passe, c'est pas beaucoup. Là. Non, c'est pauvre. C'est pauvre, un peu comme chiffre là, pour ça. Et le gagnant de ce match, va se rendre au Super Bowl. Super Bowl qui va être disputé le 6 février, 6h30 sur les ondes de Fox. Malheureusement, comme toujours au Québec, on pourra probablement pas voir les annonces, ce qui est tout le temps dommage. J'ai vu, tu me fais penser aux annonces. Il y en a une qui a été d'ailleurs refusée par Fox eux-mêmes. Donc, pour qu'elle soit refusée par Fox, ça vous donne une idée. C'était quand même particulier comme publicité. En fait, c'est un site internet qui est une agence de rencontres pour rencontres extra-conjugales. Donc, un peu bizarre. L'annonce impliquait deux anciennes pornstars, un jeune asiatique et un capybara. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un capybara, c'est une énorme marmotte. C'est vraiment bizarre l'annonce là. C'est une des deux porn stars qui arrive en avant comme dans un pitch de vente, mettons, à des associés. Il y a 3-4 personnes autour de la table et là on a un jeune Asiatique qui s'excite de voir la dame, puis mon mari m'a trompé, et bon, et non, c'était vraiment, vraiment bizarre. Je suis pas sûr que j'ai encore compris l'annonce, et je sais surtout pas qu'est-ce que le capybara fait dans la publicité. Mais bon, de toute façon, on la verra pas, Fox l'a retiré, donc... Elle va se retrouver sur YouTube, par contre. Ah ben, elle est présentement elle est sur YouTube. Comment qu'elle s'appelle sur YouTube pour aller... Je sais pas, tape capybara, puis... ton gars, tu fais... Qu'on continue, je vais aller... Ah, sur ou Ban Ad Fox, ou... Essaye de nous trouver ça. D'ailleurs, on va y aller avec deux petites nouvelles du côté de la NFL. Tout d'abord, la carrière des Saints de la Nouvelle-Orléans. Drew Brees a remporté le trophée Bart Starr 2011 de la NFL. Bon, mais c'est un honneur qui est attribué au joueur qui affiche une belle attitude dans sa vie personnelle ainsi qu'auprès de son équipe et de sa communauté. On s'entend qu'il y a beaucoup de joueurs de la NFL qui pourraient pas remporter cet honneur-là. De la façon que certains, disons-le, là, les casiers judiciaires sont assez fréquents, merci, dans la NFL. Et ça en est une des raisons pourquoi il y en a plusieurs qui pourraient pas le remporter, mais du côté de Brees, pas de problème. Donc les joueurs de la NFL, c'est les joueurs de la NFL qui sont appelés à élire le récipiendaire de ce titre. En même temps qu'ils choisissent les joueurs qui vont participer au Pro Bowl, Brees, bon, ça a mené l'équipe au Super Bowl l'an dernier. Puis il a versé... Il y a des œuvres de charité de son côté, verser des millions de dollars à des écoles et complexes d'entraînement, tout ça. Donc, un très bon monsieur, Drew Brees, qui vient aider la cause de plusieurs gens dans le besoin. Et autre petite nouvelle à propos du toujours ennuyant Pro Bowl, le demi-coin des packs. Come on, Pro Bowl, au football. C'est épique, le match des étoiles de la LNH. C'est comme si je faisais une course de Formule 1, mais pas d'essence. Hein? T'es mieux de descendre ta côte. Ah ouais, c'est une course de boîte à savon. C'est cool. On a du fun. Mais ça dure 15 secondes, pis c'est pas mal ça. Le demi-de-coin des Packers de Green Bay, Tremon Williams, a été ajouté à l'équipe d'étoiles de la Nationale en prévision du Pro Bowl après qu'Asante Samuel des Eagles de Philadelphie ait déclaré forfait en raison d'une blessure. Donc, Williams, ça va bien cette année. En 16 matchs, il a fait 6 interceptions et 23 passes rabattues. Ça, c'est des sommets en carrière pour lui. Du côté du Pro Bowl, justement, et parlons-en de ce palpitant et toujours ennuyant. Non, c'est vraiment ennuyant que je cherche comme mot. Le Pro Bowl va se dérouler. Cette année, on est de retour à Honolulu. L'an dernier, ça s'était disputé à Miami. Mais par contre, on a gardé le format de Miami, c'est-à-dire que le match, au lieu d'être à la fin de la saison et durant la semaine de pause entre les finales de conférence et le Super Bowl. Ça va se dérouler le 30 janvier prochain. Ça va être à 7h, 19h plutôt, en direct du Ottawa Stadium. Et bon, du côté des... J'aimerais bien vous dire les joueurs, là, mais quelques-uns des joueurs qu'on va pouvoir trouver, entre autres Michael Vick et Philip Rivers, seront les carrières. On peut parler du côté de Michael Turner et Arian Foster, du côté des porteurs de ballon, hein, qu'on disait tantôt. Moi, je vais vous parler aussi. Brian Urlacher va retrouver sa place dans l'équipe. Clay Matthews aussi du côté des Packers. Mais là, bien sûr, tout est relatif à savoir est-ce que, et c'est le problème, c'est qu'il faut remplacer tout plein de joueurs si jamais les Packers se rendent en finale, ou tout dépendant qui a été choisi, si les Steelers se rendent en finale, ou si qui gagne? Bon, si Chicago gagne, Brian Urlacher, il va pas. De l'autre côté, si les Packers gagnent, bon, ben, c'est du côté des... du côté de Clay Matthews qu'on pourra pas y aller. Donc, en tout cas, de toute façon, le Pro Bowl, vous avez entendu mon opinion là-dessus. Je pense pas que ça donne grand-chose de le répéter. Donc, c'est ce qui conclut l'inconduite de partie pour cette semaine. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour cette semaine, lundi et vendredi. Ce soir, 19h30 sur cfou.ca, inconduitdepartie.com, vous allez pouvoir suivre le match des Patriots contre les Redmen de McGill en direct du McConnell Arena. On va vous faire une belle petite description aussi bien qu'on le peut. Et donc, c'est ça, inconduitdepartie.com. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit ce soir. On se voit ce soir. Au revoir. Hey, toi et la cravate! Watch out, on sort la 24! Nous autres, on a le courage de faire le party. Une injustice n'est pas si tôt mise en lumière. On a la main dans le frigidaire au bout de la Boréale. Pour la forêt boréale, ici du Jack. Contre la guerre en Irak, puis nous on lève nos verres pour le parti vert. En disant esti pour amnesty, le national, je la passe. Contre l'érection par la déterre, on